l'avait dit, ouais. On me l'avait dit que la tâche serait ardue. Je sais comment on n'écoute jamais, on est comme Jeff Hardy. Le but c'est d'être happy, donc ce qu'on a envie de faire, gros, le fait. Avant de faire du beau quand nous on se tait. Ils parlaient mal de nous sans savoir que ça faisait mal de fou. Mais c'est quand tu vois le dessous que tu comprends que même tenais pas debout. C'est dommage de te voir tomber dans l'indifférence. Parce que t'es différent, différence provoque que des différents. Mais maintenant il est temps de leur faire du sale. Pour qu'ils comprennent qu'entre amour et haine il suffit qu'une seule balle ne se contienne. Le respect s'arrache, n'écoute pas ce que racontent les comptines. Je préfère scénariser mon film. Nous on sait pas comment abandonner. Imagine tout lâcher, alors dans ça nous on a tant donné. J'ai envie de tout casser comme si devant moi. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria et Rose. Comme si devant moi y'avait des murs, nous on sait pas comment abandonner. Imagine tout lâcher, alors dans ça nous on a tant donné. J'ai envie de tout casser comme si devant moi. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria et Rose. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria et Rose. Caridas, marée basse, sont pilotés. Qu'on brasse mais sans boire la tasse, carapace que j'ai ôté. J'ai pris de l'âge, pris le large, incapable de tourner la page. J'ai encore moins pour la fame, j'écris remords sur la feuille avant que le cœur se fasse. J'ai dit une, j'arrête, oui, encore une, j'arrête. Y'a que les clubs arrêtent, pourvu que tout s'arrête. Y'a personne qui m'arrête, sentiment dans son dard. J'ai zoné fait sans pas les malheurs qui s'empilent, veulent détruire mon empire. Non, non, non, non. Tout dans le pare et de batailler Sinaloa. Arrête de batailler Sinaloa. Nous on sait pas comment abandonner. Imagine tout lâcher, alors dans ça nous on a tant donné. J'ai envie de tout casser comme si devant moi. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria et Rose. Comme si devant moi y'avait des murs. Nous on sait pas comment abandonner. Imagine tout lâcher, alors dans ça nous on a tant donné. J'ai envie de tout casser comme si devant moi. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria et Rose. Comme si devant moi y'avait Sina, Maria.